بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, Inch'Allah, sur la lecture et l'étude du livre de l'unicité du grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et donc, on va commencer sans plus attendre l'étude d'un nouveau chapitre, puisque dans la dernière allocution, on avait terminé l'étude du chapitre précédent. Et donc, on va commencer, Inch'Allah, l'étude d'un nouveau chapitre qu'a évoqué l'imam al-Bukhari ici dans son livre, et surtout dans ce passage où il parle de l'unicité et du monothéisme pur. Et donc dans ce chapitre, comme il l'a fait pour le chapitre précédent, de la même manière, il va, en guise d'intitulé et du titre du chapitre, mentionner des versets du Coran. Donc ici, il va utiliser des passages du Coran, des versets, en guise d'intitulé et de titre à ce chapitre. En l'occurrence, il commence ce chapitre en disant « Babu qawlillahi ta'ala alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Wa qala jalla wa ala inna allaha indahu ilmu sa'a. Wa qala jalla wa ala anzalahu bi ilmih. Wa qala jalla wa ala wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi ilmih. Wa qala jalla wa ala ilayhi yuraddu ilmu sa'a. » Donc ici, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son œuvre, donc il a utilisé des versets et fait la mention de certains passages dans le Coran. Il a commencé d'abord par le verset 26 dans la sourate Les Djinns, où dans une traduction relative et approximative du sens du verset, Allah Jalla wa Ala dit « C'est lui qui connaît le mystère et il ne le dévoile à personne. » C'est-à-dire, « Alimul Ghaib, Allah est le connaisseur de l'inconnu » de ce qu'on appelle « al-ghayb », une traduction relative, c'est la science de l'invisible, de l'inconnu, qui est un mystère pour les gens. Et Allah, Jalla wa Ala, en est le connaisseur, celui qui a la connaissance de « al-ghayb ». Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne le dévoile, ne le divulgue à personne. Sauf ensuite, à la suite de ce verset, Allah, Jalla wa Ala, dit « sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. » Ça, c'est le verset 26 à la sourate, les djinns. Et à savoir que la sourate, les djinns, c'est une sourate qui était mécoise à la base. C'est une sourate donc qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période mécoise. Et c'était une sourate en quelque sorte où Allah Jalla wa Ala, en quelque sorte avec cette sourate, eh bien, lorsqu'on la médite, Allah Jalla wa Ala fait un rappel et exhorte le prophète alayhi salatu wassalam à la patience. Donc on voit dans les versets dans Sourate al-Jin, il y a une incitation à la patience pour le prophète sallallahu alayhi wassalam du fait des épreuves dont il était confronté et du fait des épreuves qu'il vivait. Et donc cette sourate en quelque sorte consolait le prophète alayhi salatu wassalam. Même certains spécialistes de l'explication des versets de l'exégèse du Coran disent que cette sourate est descendue après l'événement de Taif, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était parti dans cette ville de Taif et il cherchait donc du soutien et une protection du fait qu'il subissait les préjudices et les afflictions et les torts qu'il subissait à la Mecque de la part des polythéistes arabes et de son clan, alors le prophète sallam s'était dirigé à Taïf pour essayer de chercher une sorte de protection, essayer de chercher un soutien. Et là, les gens de Taïf avaient refusé le prophète alayhi salatu wassalam, et ils avaient affligé des préjudices au prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète était affligé à son retour. Et il est dit qu'ensuite fut révélée cette sourate, la sourate les djinns. Et dans cette sourate, donc, c'est pour ça que certains savants disent que dans cette sourate, venait consoler le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était affligé et qui subissait de nombreuses épreuves dans le chemin d'Allah et le sentier d'Allah. Et donc, il y a des versets dans cette sourate à méditer qui sont vraiment immenses. Entre autres, parmi ces versets, donc, l'imam al-Bukhari a cité le verset lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit, exalté soit-il, c'est lui qui connaît la science de al-Ghaib. C'est lui qui connaît al-Ghaib, c'est-à-dire le mystère, la science de l'invisible et de l'inconnu. Et Allah Jalla wa Ala le divulgue à personne, si ce n'est à ceux qu'il agrée parmi les messagers et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Ensuite, l'imam al-Bukhari a cité un autre verset où Allah dit « Inna Allah indahu al-musta'a » Et Allah, à lui appartient la science de l'heure. Allah, lui, est le connaisseur de l'heure. Dans un autre verset qu'a mentionné aussi l'auteur, il dit, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit dans la sourate Les Femmes, c'est le verset 166, où Allah dit, « Anzalahu bi'ilmi » Allah l'a fait descendre par sa science, dans une traduction littérale, et c'est-à-dire en toute connaissance. Et dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit Ilayhi yuraddu ilmu sa'a. À lui revient la connaissance de l'heure. Et il n'y a pas une femelle. Et Allah Jalla wa Ala dit plutôt Et aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance. Et donc vous avez vu, c'est des versets que l'auteur a mentionnés ici. Et il veut nous enseigner ce qu'on appelle la tribu de la science, sifat al-ilm, la tribu du savoir, du ilm, de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science parfaite. Et sa science, Allah jalla wa ala, elle est parfaite. C'est pour ça que beaucoup de traducteurs traduisent le nom al-alim par l'omniscient, une traduction approximative. Et donc Allah jalla wa ala est celui dont la science est parfaite. Cette science, contrairement à celle des êtres humains, elle n'a jamais été précédée de l'ignorance et n'est pas assujettie à l'oubli, contrairement aux êtres humains. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ce qui a eu lieu, que ce soit dans le passé et tout ce qui se produira dans le futur, et il connaît tout ce qui se passe au présent. Donc Allah jalla wa ala a la connaissance de tout cela. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et Allah jalla wa ala, donc, parmi la perfection de sa science, le fait qu'Allah jalla wa ala sait comment se seraient produit des choses dans cet univers qui n'ont pas eu lieu. Et si elles auraient eu lieu, comment elles se seraient produites? Donc même les choses qui ne se sont pas produites dans ce monde et cet univers, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Et il a la connaissance de ces choses, si elles se seraient produites, comment est-ce qu'elles se seraient produites? Et ça, c'est la science éternelle et infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaissent leur créateur, ils savent que sa science englobe tout. Allah est l'omniscient à qui rien n'échappe. Allah a la connaissance de tout. C'est pour ça que dans les versets précédents qu'on a mentionnés et que donc l'auteur, l'imam al-Bukhari, a cité en guise de titre et d'intitulé au chapitre, regardez, il dit que Allah Jalla wa Ala dit à son sujet et c'est lui qui connaît le mystère, la science de l'inconnu, de l'invisible. C'est lui qui connaît l'invisible. Et il ne le dévoile à personne, si ce n'est à ceux qu'il agrée parmi les messagers. وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Et Allah appartient à la science de l'heure. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِ Allah Jalla wa Ala aussi, il dit qu'il a fait descendre ce rappel, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, bi'ilmi, en toute connaissance. Donc Allah jalla wa ala appartient cette science parfaite, et ça fait partie des attributs de perfection de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ici on va apprendre ici qu'Allah jalla wa ala, parmi ses attributs de perfection, qu'il est l'omniscient, celui qui détient la science parfaite et éternelle. Cette science qui n'est pas assujettie à l'oubli, Allah jalla wa ala n'oublie pas, et cette science qui n'a jamais été précédée d'une ignorance. Allah a toujours su, il sera toujours. Les choses passées, Allah les connaissait, les choses futures, Allah jalla wa ala en a la science et la connaissance. Et ça nous permet de savoir, premièrement, qu'on ne peut rien cacher à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que sa science englobe tout. Allah cerne tout de son savoir et de sa science. Et c'est pour cela que ça, c'est des sujets qui sont très importants pour le croyant et la croyante, du fait de connaître son Seigneur. Et le fait d'apprendre à connaître son Seigneur à travers l'étude, comme on a dit précédemment, et dans d'autres allocutions, de ses noms sublimes et de ses attributs de perfection, ça nous apprend à reconnaître, ça nous apprend vraiment à reconnaître l'immensité et la grandeur, la majesté et la magnificence de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire maintenant le commentaire du grand savant, Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc il va commenter ici, ce chapitre, nous l'expliquer. Il dit premièrement, el-ilm. Il va nous expliquer tout d'abord la science d'une manière générale. Qu'est-ce que la science ? En arabe, donc on traduit le terme el-ilmu par la science. Par la science. Et donc, qu'est-ce que la science ? Donc là, on parle d'une manière générale, dans son sens global. Qu'est-ce que la science ? Alors, les savants, dans la langue arabe, nous expliquent que el-ilm, dans la langue arabe, c'est idrak al-ma'loum ala ma huwa alay. Idraku al-ma'loum ala ma huwa alay. Qu'est-ce que la science ? D'une manière générale et d'une manière globale. La science, c'est la conception d'une chose selon sa réalité. Donc c'est ça, el-ilm. Les savants, les spécialistes, nous enseignent que la science, son sens réel, qu'est-ce que la science, pour bien comprendre ce terme, linguistiquement parlant, alors la science, c'est la conception d'une chose selon sa réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'une personne a la science, le savoir d'une chose, il connaît une chose, c'est que sa conception de cette chose-là est conforme à la réalité. Est conforme à la réalité. Donc c'est pour cela que ce qu'il faut savoir, el-ilm, donc la science, c'est l'opposé de l'ignorance. C'est le contraire de l'ignorance. Donc lorsqu'on parle de science et de savoir, on exclut l'ignorance, puisque c'est l'inverse. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen nous explique en nous disant « فَقَوْلُنَا idrak. Donc le terme en arabe « idrak » que moi j'ai traduit de manière relative à « conception », il dit donc la conception c'est quoi ? La conception, il va dire « خَرَجَ بِالْجَهْلُ الْبَصِيطُ ». Il dit « ça va exclure l'ignorance simple ». Simplifié. Et pourquoi Cheikh ici nous explique et stipule bien qu'il y a une ignorance qui est simple ou bien simplifiée. Pourquoi ? Parce qu'il va nous enseigner qu'il y a deux formes d'ignorance. Donc les savants considèrent que l'ignorance se compose de deux parties. Ou plutôt, il y a deux catégories d'ignorance. C'est pour ça que vous allez trouver dans de nombreux livres, lorsque les savants traite ce sujet, ils parlent du thème de la science. Alors lorsqu'ils vont parler de la science, ils vont parler de son opposé, son contraire, qui est l'ignorance. Et là, ils vont détailler qu'il y a deux formes d'ignorance. Donc ils vont mentionner cette subdivision en mentionnant l'ignorance qui est simple. C'est ce qu'on appelle en arabe al-jahl al-basit, comme Cheikh ici le stipule ici. Et la deuxième forme d'ignorance, c'est l'ignorance aggravée. C'est ce qu'on appelle al-jahlu al-murakkab. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimallah, il va faire allusion à ces deux formes d'ignorance. Aussi bien à l'ignorance al-jahlu al-basit, l'ignorance simple, et aussi bien à l'ignorance qu'on appelle al-jahlu al-murakkab. Donc en arabe, on l'appelle comme cela, al-jahlu al-murakkab. Donc c'est pour cela que là, il fait allusion à ces deux formes d'ignorance. Donc, il dit, et maintenant il va détailler chacune d'entre elles, et il dit ce qu'on appelle jahlun basit, ou adam al-ilm, tout simplement. L'ignorance simplifiée ou simple, pour les savants, ils considèrent que c'est adam al-ilm, c'est le fait de ne pas avoir la connaissance d'une chose. Lorsqu'on ne connaît pas une chose, lorsqu'on ignore une chose, on appelle ça jahlun basit. C'est une ignorance, mais qui est simple, dans le sens qu'elle n'est pas aggravée. Donc ça reste de l'ignorance, mais lorsqu'on dit simple, c'est pour ne pas minimiser cette ignorance, mais c'est pour dire qu'elle n'est pas aggravée. Mais elle reste en elle une ignorance. Wa jahlun murakkab est la deuxième catégorie, celle qu'on appelle l'ignorance aggravée. Wa an yakun al-insanu jahilan wa yajhalu annahu jahil. L'ignorance aggravée, c'est lorsque, par exemple, une personne ne connaît pas, et lui, il ignore qu'il est ignorant. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et c'est pour cela que cela est plus grave. Et c'est pour cela qu'on appelle ça l'ignorance aggravée. وأضرب لهذا مثلا يتبين به ذلك. Et c'est pour cela que Cheikh dit l'ignorance aggravée, elle est aggravée selon deux aspects, par rapport à deux choses. Première chose, le fait que la personne, eh ben, il ne connaît pas, par exemple, un sujet précis, il a l'ignorance de ce sujet, il ne connaît pas, il n'a pas de connaissance sur ce sujet. Donc premièrement, il est ignorant du sujet et du thème. Et deuxièmement, il est ignorant à son propre sujet, c'est-à-dire qu'il ignore lui-même qu'il ignore. Donc, il ignore lui-même qu'il ne connaît pas. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, selon et par rapport à ces deux aspects-là qu'on vient de citer, par rapport à ces deux points, c'est ça qui fait que cette ignorance, elle est aggravée. Et ça, aujourd'hui, il est important. C'est pour cela que, volontairement, je traduis et j'essaye de bien détailler ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen, parce qu'on en a réellement besoin à notre époque de se faire ce rappel et de savoir qu'est-ce que réellement la science et la connaissance d'une chose et d'un domaine et qu'est-ce que l'ignorance réelle d'un domaine. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont des sortes d'imposteurs. Ils prétendent connaître et maîtriser des domaines et des sujets alors qu'en réalité, ils sont ignorants. Et leur ignorance n'est pas simplement une ignorance simple, mais c'est encore plus profond, ils sont ignorants d'une ignorance qui est aggravée. Et on va bien comprendre dans ce qui va suivre. Et c'est pour ça que ça, c'est un grand bien que le musulman prenne connaissance de ces enseignements de nos savants, parce que vous allez voir, ça nous sert cela dans la vie de tous les jours. Alors, regardez, Cheikh maintenant, il dit, et pour cela, pour bien comprendre cela, on va donner des exemples. Il dit, سَأَلْنَا رَجُلًا. Il dit, par exemple, pour faire la distinction entre les deux formes d'ignorance, il dit, on demande à un homme, on lui pose une question. Quand est-ce que, à quel moment, à quelle époque, quelle est la date de Ghazwatu Badr, de l'expédition, de la bataille de Badr? On demande à une personne, à quel moment s'est produite la bataille de Badr? Ou en quelle date s'est produite la bataille de Badr? Et, qala, cette personne dit, فَكَانَتْ Ghazwatu Badr فِي رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. Par exemple, la personne va répondre, l'expédition de Badr, la bataille de Badr, s'est produite au mois du Ramadan, en l'année 2 de l'Hégire. Fa tasifuna hadha al-mujib bi annahu 'alim. Donc il dit, cette personne qui a répondu de cette manière, alors on dira de lui qu'il connaissait, qu'il est connaisseur de la réponse. Donc il a bien répondu. Donc cette personne, on dira qu'il est 'alim bi hadhihi al-mas'ala. Donc cette personne, il a le ilm, il a la connaissance et le savoir, la science de cette question. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué dans sa réponse la chose selon sa réalité. Puisque, effectivement, l'expédition de Badr s'est produite en l'an 2 de l'Hégire et cela pendant le mois du Ramadan. Fi Ramadan, fi sanat athaniya. Donc sa réponse, elle était en conformité, en cohérence avec la réalité. Et comme on a dit précédemment, on a dit que la science, c'est le fait de concevoir une chose selon sa réalité. C'est la conception d'une chose selon sa réalité. Par contre, il dit ensuite, on demande à à une autre personne, à une tierce personne. On demande à une autre personne en lui disant à quel moment s'est produite l'expédition et la bataille de Badr. Il nous dit قال كانت في السنة الخامسة من الهجرة. Et lui répond, elle s'est produite en l'an 5 de l'Hégire, selon le calendrier hégérien. Alors, Cheikh nous explique ici, فقال, هذا جاهل جاهلا مركبا. Cette personne qui a répondu de cette manière, c'est un ignorant d'une ignorance aggravée. Pourquoi ? On va l'expliquer ensuite dans ce qui va suivre. Il dit d'abord, on va demander à une troisième personne. سألنا الثالث. On va demander à la troisième. قلنا متى كانت غزوة بدر. À quel moment s'est produite la bataille de Badr ? Et lui, il dit « La adri, je ne sais pas. » Alors cette personne, il dit « C'est une ignorance, d'une ignorance simple. » Regardez. Alors, le premier a bien répondu. Donc, il a la connaissance, elle est ilm. Le deuxième a mal répondu. Il a prétendu que l'expédition de Badr s'est produite en allée 5 de l'Égée. Alors que cela est faux. Donc lui, son ignorance, elle a aggravé. Pourquoi ? Parce qu'il a répondu alors qu'il ignorait. Et donc, il a répondu en se trompant. Donc premièrement, lui pense et est convaincu que ça s'est produit en l'an 5 de l'Hégire. Donc il ignore lui-même qu'il ignore la réalité. Pourquoi ? Parce que la science et le savoir, la connaissance, c'est que notre conception de la chose soit selon sa réalité. Et là, le fait qu'ils disent et qu'ils prétendent que cela s'est produit en allée 5 de l'Égypte, ce n'est pas la réalité. Donc, c'est de l'ignorance. Sauf qu'elle est aggravée puisqu'il ignore lui-même qu'il ignore et il répond faux. Il dit à la troisième personne qu'on a interrogée, son ignorance est simple, elle n'atteint pas le degré précédent d'aggravé. Pourquoi ? Parce que lui, il a dit la adri. Donc, il ne sait pas, tout simplement. Il ne sait pas, tout simplement. Et vous savez, le fait de dire « la adri » lorsqu'on ne sait pas une chose, ça fait partie des bonnes morales. Et ça fait partie des bons caractères et des nobles caractères. Le fait de dire « la adri », de reconnaître son ignorance, de reconnaître, parfois lorsqu'on ne connaît pas une chose, on dit « la adri ». Et justement, des grands imams nous enseignent de dire « la adri », de dire cette parole lorsqu'on se... On ne connaît pas un sujet, un domaine, on dit je ne sais pas, Allahu a'lam, on dit qu'Allah est le plus savant. En demandant Allah, Jalla wa'ala, qui nous donne la connaissance. C'est pour ça que des grands imams nous enseignaient dans une parole, dans une très belle parole, ils disaient Ta'allam la adri, allamouka hatta tadri, wa in qulta tadri, sa'alouka hatta la tadri. Des grands imams nous enseignaient de dire apprenez à dire je ne sais pas. Il te sera enseigné jusqu'à ce que tu saches, et si vous dites que vous savez, tu seras interrogé jusqu'à ce que tu ne saches point. Donc regardez, c'est une très belle parole qui dit « apprenez à dire, je ne sais pas ». Ta'allamu la adri. Lorsqu'on ne connaît pas une chose, eh ben on dit « je ne sais pas ». Et c'est pour cela que, ici, c'est une opportunité pour se faire un rappel. L'imam Ibn al-Qayyim disait que pour apprendre la science, pour apprendre la science et ne pas être privé de la science, il faut six choses. Il faut six choses. Pourquoi ? Parce qu'il va dire que le fait d'être privé de ces six choses, c'est la cause de la privation de la science. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas ces six choses-là, alors c'est cause de privation de la science. Et ça, c'est vraiment un point très important, une faïda. Donc, l'imam Ibn Qayyim, il va citer et il dit que la science est très importante. Et ce qui est très important, il dit, elle ramène. Et l'œuvre, la mise en application de cette science, ça fait partie justement des conséquences de ce savoir. فَقَالَ الْعَمَلْ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبَ الْعِلْمِ. Et il dit que la mise en application du savoir, ça fait partie justement des degrés du savoir. وَجَعَلَ عَدَمَ الْعَمَلْ بِالْعِلْمِ مُوجِبًا لِلْحِرْمَانِ مِنْهُ. Et Allah Jalla wa'ala a fait que celui qui ne met pas en application cette science, ça fait partie des causes et des implications de la privation, d'être privé de cette science. Et l'imam Ibn Qayyim, il va justement s'appuyer et déduire d'un verset lorsqu'Allah dit « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid » dans un verset qui est immense où Allah Jalla wa'ala dit « Inna fi dhalika la dhikra »« Inna fi dhalika la dhikra » et en cela, il y a un rappel. Liman kana lahu qalbun. pour celui qui a un cœur, ou bien qui a écouté, qui a voulu entendre, alors qu'il en est témoin. Et l'imam Ibn Qayyim s'est basé sur ce verset, et c'est pour cela qu'on voit dans ce verset, il y a un enseignement qui est vraiment immense, du fait qu'Allah Jalla wa'ala nous dit « Inna fi dhalika la dhikra » et en cela, il y a un rappel pour qui ?« Liman kana lahu qalb » pour celui qui a un cœur vivant, celui dont le cœur est vivant. C'est pour ça qu'on voit, il y a des gens qui acceptent facilement le rappel lorsqu'on les conseille, lorsqu'ils sont face à un conseil, lorsqu'on leur rappelle le bien, ils ont une facilité à l'accepter ce bien. C'est pour ça qu'on voit des frères ou bien des sœurs, parfois lorsqu'on leur fait on leur prodigue le bon conseil, lorsqu'ils sont conseillés, lorsqu'on leur enseigne, alors ils acceptent. Et on voit d'autres âmes, d'autres personnes qui ont du mal à accepter les rappels, qui ont du mal à reconnaître la vérité lorsqu'elle leur est exposée. Pourquoi ? Parce que Allah Jalla wa'ala nous enseigne qu'il y a des cœurs qui sont vivants. Les cœurs qui sont vivants acceptent la vérité. C'est pour cela que lorsqu'il y a des signes, par exemple dans un verset, Allah Jalla wa'ala nous dit, il dit au prophète sallam que les gens du livre, même si tu leur amenais tous les signes, ils ne suivront pas ta qibla, ton orientation. Même si tu pouvais leur amener tous les signes, même si tu leur exposais tous les signes, ils ne suivraient pas ta qibla. Mettebi'u qiblatak. Ils ne suivraient pas ta qibla. Pourquoi ? Parce que ceux qui acceptent les signes, c'est ceux qui ont des cœurs vivants, ceux qui reconnaissent les signes provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y en a qui, leur cœur revit, comme en période par exemple d'épidémie, on voit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures, dans ce monde, comment Allah jalla wa ala gère cet univers, et comment Allah jalla wa ala fait ce qu'il veut de ses créatures. Alors il y a des gens dont le cœur revit, et ils acceptent ce rappel, et savent que ce rappel émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres gens, on peut leur amener tous les signes, tous les miracles, ils ne suivront pas la qibla de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il y a un grand rappel sur le fait d'avoir un cœur qui est vivant. Et Allah jalla wa ala dit Aou al-qassam'a wa huwa shahid. Ou bien il essaye de tendre l'oreille, il écoute une personne qui est à l'écoute, wa huwa shahid, alors qu'il en témoigne. L'imam Ibn Qayyim, après avoir cité ce verset, il va dire la privation donc de la science, il va citer 6 points qui est cause de la privation de la science. Donc il dit, pour avoir la science, il dit, al-ilmu sittu maratib. La science, c'est 6 degrés. Awwaluha, la première chose, husn as-su'al. De pouvoir avoir la connaissance d'un domaine, d'un sujet qu'on étudie, il faut premièrement bien poser la question. Awwaluha, husn as-su'al. Donc notez bien cela, c'est vraiment un grand enseignement. Premièrement, il cite, husn as-su'al. Le fait de bien poser la question. Thaniyan. Deuxièmement, Thania, donc il dit, pour l'obtention de ce savoir, il y a 6 degrés, 6 choses. Premièrement, bien poser la question. Thaniyatu. Deuxièmement, husnul insat wal istima. Husnul insat wal istima. La bonne écoute et la bonne audience. Le fait de bien écouter pour bien comprendre. Et ça, la bonne compréhension, c'est le troisième point. Il dit, wa thalitha. Troisièmement, husnul fahm, la bonne compréhension. Donc après qu'on ait bien écouté, qu'on ait bien tendu l'oreille, qu'on a été concentré, thalitha, il faut la bonne compréhension. Rabi'a, quatrièmement, ensuite il dit al-hifz, la mémorisation. C'est-à-dire que ce qu'on a appris ensuite, eh ben il faut l'apprendre et le mémoriser pour le retenir, pour ne pas l'oublier. Wal-khamisa. Et cinquièmement, ensuite, il dit « Al-ta'alim, al-ta'alim » et dit l'enseignement, ensuite, l'enseigner. C'est-à-dire une chose qu'on a appris, ensuite, dont on en a la connaissance, qu'on a bien compris, qu'on a mémorisé, ensuite, l'apprendre. Pour ne pas rentrer dans la catégorie des gens qui ont appris une chose et qui dissimulent et cachent la science. Puisqu'Allah, Jalla wa ala, blâme dans le Coran ceux qui dissimulent et cachent la science. Il est interdit ce qu'on appelle kitman al-ilm, cela est interdit. C'est pour ça qu'il est très important ici que lorsqu'on a une connaissance d'une chose, de ne pas cacher cette science-là et de la dissimuler. C'est pour ça que Abu Huraira, par exemple, le grand rapporteur des hadiths parmi les compagnons, celui qui a rapporté le plus des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, lui, ce qu'il a fait parmi les causes qui ont fait qu'il a vraiment propagé et enseigné ces hadiths-là, et il a enseigné aux gens et raconté aux gens, narré ces hadiths-là, ces récits-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux gens. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de rentrer dans la catégorie de ceux qui cachaient une science, un savoir qu'ils avaient. Il avait peur de faire partir de ceux qui dissimulaient la connaissance qu'ils avaient. Pour cela, le fait de Kitman al-Aim est interdit de cacher une science. Et le sixième point, et c'est le fruit de tout ce savoir, c'est la mise en application, c'est la ramel. C'est la mise en application. Vous avez vu, Ibn Qayyim donc a cité ces six points. Donc vous avez vu, Ibn Qayyim ici nous mentionne six points. Donc celui qui n'a pas ces six points-là, lorsqu'il apprend un domaine, lorsqu'il apprend un sujet, lorsqu'il apprend une chose, alors il sera privé de la connaissance de cette chose. Premièrement, regardez, il a dit husnus su'al, le fait de bien poser la question et de poser les bonnes questions. Combien de gens ont été privés du savoir et de la connaissance du fait que parfois, soit ils posent des mauvaises questions, ou soit ils posent des questions qui ne sont pas importantes. Le fait de connaître ou d'ignorer cette chose-là, eh ben, ça ne change rien pour sa personne et pour son individu, pour sa personne plutôt, et pour les individus. Alors, c'est pour ça que même les questions, les savants nous enseignent qu'il faut poser des bonnes questions, que les questions soient pertinentes, que les questions soient importantes, qu'il y ait vraiment un profit en cela. Comme dit le prophète, sallam, ihris ala ma yanfa'uk, désire ce qui t'est profitable, utile, ce dont il y a un intérêt pour toi dans cette vie d'ici-bas et dans ton au-delà. Ensuite, les savants nous disent, en l'occurrence ici Ibn al-Qayyim, nous dit le fait que lorsqu'on apprend un domaine, une chose, le fait de bien écouter, le fait de donner toute l'intention et d'être attentif, de prendre soin, ici donc ensuite de bien comprendre. Et il dit, c'est un grand fléau. Chez beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui sont en train d'apprendre une chose ou d'écouter une chose, le fait qu'ils écoutent mal la chose, ils ne sont pas bien concentrés. Et ensuite, cela, ça aboutit à une mauvaise compréhension. Et lorsqu'on comprend mal, ensuite, on véhicule une chose fausse et donc une mauvaise compréhension. Pourquoi ? Parce que ensuite, cela est donc dû à une mauvaise compréhension. C'est pour ça que Ibn Qayyim ici nous fait part de ces six choses. Pourquoi c'est al-maqsoud bayan wa harman al-ilm min hadhihi al-wujuh as-sitta. Donc ce qui était voulu ici, c'est de mentionner les causes ici pour la privation du savoir et de la connaissance. Première chose, donc ça revient. Les six fléaux ici, les six causes pour la privation de la science, donc ça revient premièrement au délaissement des questions, le fait de ne pas poser de questions et de ne pas essayer de comprendre. Deuxièmement, sous al-insat wa adam ilqa as-sam'a. Deuxièmement, le fait de ne pas écouter, de ne pas tendre l'oreille et de ne pas se concentrer. Troisièmement, ça serait sous el-fahm, la mauvaise compréhension. Quatrièmement, adam el-hifd, ne pas retenir ce qu'on a appris, ne pas mémoriser ce qu'on a appris. Et il dit cinquièmement, adam nashri wa ta'alimi. Cinquièmement, il dit le fait de ne pas ensuite propager, enseigner cette chose dont on a appris. فَإِنَّ مَنْ خَزَنَ عِلْمَهُ وَلَمْ يَنْشُرْهُ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ إِبْتَلَاهُ اللَّهُ بِنِسْيَانِ وَذَهَابِهِ مِنْ. Et il dit, c'est pour cela que parfois lorsqu'on apprend une chose, certains qui ont appris un savoir, une connaissance, et qui ne l'enseignent pas, et ne le propagent pas, alors Allah Jalla wa Ala peut les éprouver avec l'oubli, et le fait que cette connaissance-là, eh ben, partira, s'en ira de son esprit. جَزَاءً مِنْ جِنْسِ عَمَلِي. جَزَاءً مِنْ جِنْسِ عَمَلِي. Et cela en rétribution pour ce qu'il a fait. وَهَادَ أَمْرٌ. Et ça, c'est une chose dont on peut témoigner. Et sixièmement, عَدَمْ الْعَمَلِ بِهِ. عَدَمْ الْعَمَلِ بِهِ. Et le fait de ne pas mettre en application cela. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs, parmi les pieux des anciennes générations, ils disaient une très belle parole. Ils disaient كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْعِلْمِ بِالْعَمَلِ بِهِ. Ils disaient, nous, on s'aidait, on cherchait de l'aide pour la mémorisation et la préservation du savoir en la mettant en pratique. Donc c'est à travers la pratique et la mise en application de ce qu'ils avaient appris, c'est comme cela qu'ils arrivaient à retenir ce qu'ils avaient justement appris. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est un grand rappel qu'on se fait lorsqu'on apprend n'importe quel domaine. Et ben, pour pouvoir vraiment, vraiment prendre ce savoir-là et retenir ce savoir-là, et que cette science soit bénéfique et profitable, Alors, ici, l'imam Ibn Qayyim nous mentionne ces 6 points ici parce que c'est vraiment, ça aide vraiment l'étudiant ou celui qui apprend ou celui qui est en quête de connaissances sur différents sujets, eh ben, pour qu'il puisse retenir cette science et que cette science soit profitable et bénéfique pour qu'il puisse ensuite l'enseigner et donc aussi la retenir et la mettre, bien sûr, en application. C'est pour cela que ce qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Il ne faut pas s'avancer à rentrer dans des domaines qu'on ignore. Et malheureusement, on est dans une époque, comme le prophète, il nous a avertis parmi les signes de la fin des temps, la propagation de l'ignorance. Et les ignorants de la communauté, lorsqu'il y aura des grandes affaires, des choses qui vont toucher la nation et la communauté, eh ben, ce seront les ignorants qui parleront sur ces sujets-là. Et ils prendront la parole, et de ce fait, ils vont devancer les gens du savoir, les élites de la nation et de la communauté, qui sont les héritiers du prophète, qui sont el-ulama, qui sont les gens doués de sagesse, les gens du savoir, ce qu'on appelle el-ilm. Les héritiers du prophète, ce sont les savants, ceux qui sont réellement savants, les savants de l'islam. Et c'est pour cela que ça, c'est un grand rappel, lorsqu'on parle de savoir et de science, lorsqu'on a pas la connaissance d'un domaine, alors il ne faut pas s'aventurer. Et surtout en matière de religion. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de religion, parlent de la religion, répondent à des questions dont en réalité ils ignorent les réponses, et donc ils s'aventurent dans un domaine qui est périlleux, dans un domaine dangereux. Pourquoi? Parce que les savants nous disent le halal, ce qui est halal, licite, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala à juger et légiférer licite. Et le haram, l'interdit, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré haram et interdit. Donc on n'a pas droit de légiférer à sa place. Si Allah Jalla wa Ala a légiféré qu'une chose, elle soit licite et autorisée, permise pour ses serviteurs et pour la communauté, alors on ne doit pas dire que celle-ci est haram. Et beaucoup, dans de nombreuses situations, beaucoup de fois, alors, beaucoup de gens, lorsqu'ils répondent sur des sujets, ils vont dire qu'une chose, elle est autorisée dans la religion, alors qu'en réalité, Allah Jalla wa Ala l'a légiféré haram, interdite. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala a légiféré une chose qui est interdite, alors c'est qu'il y a une grande sagesse, une sagesse qui est infinie de la part de notre Seigneur, cependant, puisqu'il est le législateur, et cela fait partie des particularités de sa seigneurie. Donc c'est qu'il y a une sagesse qui est immense et infinie. Même si, souvent, ces sagesses-là, on ne peut pas les concevoir. Pourquoi? Parce que notre conception à nous est limitée. Mais le but du musulman, ce qui lui est demandé, c'est d'être soumis à son créateur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est soumis, c'est ça le sens d'être musulman, muslim. L'islam, c'est quoi? Ou l'istislamu lillahi bit-tawhid, ou l'inqiyadu lahu bit-ta'a, ou l'bara'atu min ash-shirki wa ahli. L'islam, qu'est-ce que l'islam? Les savants nous enseignent que l'islam, c'est huwa l'istislam ou lillahi bit-tawhid. C'est d'être soumis à Allah par son unicité. Et c'est le fait d'être soumis à lui par son obéissance. Par son obéissance. Et c'est le fait de se désavouer du polythéisme et des polythéistes. Voici la définition qu'ont donnée les grands savants au sujet de l'islam. Donc c'est d'être soumis à notre créateur, c'est ça l'islam. Donc une musulmane, c'est qu'elle est soumise aux ordres et à la législation de son Seigneur. Et le musulman ainsi, donc le croyant, il est soumis. Et donc celui qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a dit précédemment, si Allah a autorisé des choses, il est interdit pour le musulman de les interdire. Si Allah a voulu pour nous que certaines choses soient permises et qu'elles fassent partie des jouissances mondaines permises pour les hommes et pour les femmes, personne n'a le droit de venir et de les interdire et de dire, au nom d'Allah, de dire que telle chose est interdite. Ou bien si une chose, Allah Jalla wa Ala, l'a interdite, personne n'a le droit de dire que dans la religion, au nom d'Allah, ceci est licite et permis. Donc il faut suivre la législation. C'est ça le fait d'être musulman, c'est d'être soumis aux lois de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et à sa législation. C'est pour cela que on avait donné, par exemple, hier, en titre d'exemple, des gens qui s'autoproclament, par exemple, imam, en disant, par exemple, que le voile, n'est pas une obligation, une prescription religieuse, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance totale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme, cette réponse-là n'est pas conforme, elle n'est pas en cohérence avec la réalité. Avec la réalité. Et comme on avait dit hier, il n'y a aucune divergence chez les grands savants de l'islam depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui sur le fait que le voile, par exemple, c'est une prescription religieuse et ce voile est obligatoire pour nos sœurs. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Beaucoup de gens parfois s'autoproclament, répondent, s'aventurent dans des domaines qui sont périlleux. Et malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de devancer les savants de l'islam dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Et parfois, ils connaissent la réponse. Je pense que, par exemple, certains qui ont répondu sur cette question en disant que le voile n'était pas obligatoire, je pense personnellement qu'ils savent très bien au fond d'eux que cela est obligatoire. Sauf que certains veulent une audience, ils veulent être écoutés, ils veulent être devancés, certains veulent une sorte de célébrité, une notoriété, alors ils rentrent dans ce qu'on appelle en arabe « bab al-mudahana ». Ils font de la « mudahana ». En arabe, « al-mudahana », c'est une forme d'adulation, c'est une forme de flatterie, c'est le fait de rechercher la complaisance, le fait de s'accommoder au goût des autres. Pourquoi ? Pour vouloir plaire. C'est pour ça que certains s'aventurent à transmettre la religion selon le goût des autres. Et ce n'est pas ça le but du croyant. Et ce n'est pas ça le but de celui qui a la connaissance. Le but, c'est ne pas répondre aux gens, à leurs questions. Ce n'est pas enseigner des choses de la religion pour rentrer dans une forme de mudahana, de complaisance, pour s'accommoder au goût des autres et leur plaire. Ce n'est pas ça. Le but de celui qui apprend, c'est de transmettre la vérité. Et le but des croyants et des croyantes, c'est de dire la vérité. C'est ça qu'Allah Jalla wa Ala veut de nous. Et c'est pour cela que dans un hadith qui est immense, notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle nous a rapporté une parole de notre prophète qui est vraiment, vraiment énorme et lourde de sens. Le prophète dans un hadith, il dit, une traduction latine, « Man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, sakhata Allahu alayhi wa asqata alayhi an-nas. Wa man iltamasa رِضَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرَضَ عَنْهُ النَّاسِ. Dans un hadith, le prophète sallam nous dit, celui qui va chercher la complaisance des gens, l'agrément des gens, au détriment du mécontentement et de la colère d'Allah, Allah va faire qu'il sera en colère contre lui et il va faire que les autres aussi seront en colère contre lui. Donc regardez dans ce hadith qui ment, ce prophète sallam nous dit que celui qui cherche l'agrément et la satisfaction des gens au détriment du mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah sera en colère contre lui et fera que les gens soient en colère contre lui. Mais par contre, celui qui cherche à plaire à son Seigneur et cherche l'agrément de son Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui, nous dit, alors Allah va l'agréer, sera satisfait de lui et va faire que les gens ensuite soient satisfaits de lui. Donc regardez, on a beaucoup d'exemples de gens qui ont essayé de s'accommoder au goût des autres, qui ont essayé de plaire à travers leur enseignement et à la fin, ni non plus, et ils se sont attirés les foudres des gens, ni non plus aux gens, les gens n'ont pas été satisfaits de ces personnes-là et on voit ensuite cela a été la cause de grands malheurs. Donc ils ont essayé de plaire, et ce sont, on va dire, tanazalou an kathir min al masail ad-diniya. Donc ils ont essayé de en quelque sorte de chercher une forme de complaisance, d'adulation, de flatterie à travers leur enseignement de l'islam pour satisfaire les autres. Et à la fin, ils savaient, peut-être beaucoup d'entre eux savaient qu'en réalité ce qu'ils disaient n'était pas conforme réellement aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Et à la fin, le résultat de cela, ils se sont attirés le mécontentement des gens et de leur Seigneur. C'est pour cela qu'il faut être prudent dans cela. Et lorsqu'on connaît une chose, on maîtrise une chose, alors on peut l'enseigner. Et là, on peut parler. Par contre, lorsqu'on ne connaît pas une chose, on ne maîtrise pas un sujet et il n'y a pas de honte en cela, alors on évite de parler au sujet de choses et de rentrer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Regardez, un grand parmi les anciens qui s'appelait Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika, il rapporte qu'un jour, Abu Bakr As-Siddiq, qui était le premier calife de l'islam, qui était vraiment l'ami proche, vraiment le très proche, le compagnon très proche du prophète, et c'était le plus grand compagnon. C'est le premier calife de l'islam, le meilleur de cette communauté. Un jour, Ibn Abi Mulaika, alors il rapporte que un jour, Abu Bakr, le véridique, a été interrogé au sujet d'un verset. Lorsqu'il fut interrogé, regardez sa réponse. Parmi sa réponse, qu'il dit « Aina adhab ?» وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به؟ Il dit, où est-ce que je vais aller? Et qu'est-ce que je vais faire si je dis une chose au sujet du livre d'Allah qui va à l'encontre de ce qu'Allah Jalla wa Ala a voulu? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle était la réponse de Abu Bakr As-Siddiq? Alors qu'il fut interrogé au sujet d'un verset du Coran. Et alors que lui, il a vécu la révélation. Il a vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme qui était très proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si j'aurais dû choisir un ami intime, j'aurais pu avoir un khalil, un ami intime, alors ça aurait été Abu Bakr. C'était vraiment quelqu'un de très proche pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tellement qu'il était proche, il est devenu le successeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait partie des compagnons les plus connaisseurs de cette religion, parmi les plus grands savants de cette nation. Alors qu'il fut interrogé au sujet d'un verset, il dit, parmi sa réponse, « Wa aina adhab ?»« Où est-ce que je vais aller ?»« Wa kayfa asna'u idha ana aqul ?»« Oh, idha ana qultu fi kitabillahi bi ghayri ma arada Allahu bi » Et c'est pour cela qu'il nous est mentionné aussi une très belle parole. Une très belle parole. L'imam Zuhri, il rapporte d'après Khalid ibn Aslam. Wa huwa akhu Zayd ibn Aslam. Il rapporte d'après un homme qui s'appelait Khalid ibn Aslam, qui était le frère de Zayd ibn Aslam. Il dit un jour, Kharajna ma'a ibn Umar, radiallahu ta'ala an, wa kunna namshi. Cet homme-là, il dit un jour, on était avec le célèbre compagnon, Abdallah ibn Umar. Il dit, et on marchait avec lui. Falahaqna, et on a rencontré un bédouin. Faqala anta Abdallah ibn Umar. Alors le bédouin, lorsqu'il les a vus, il a dit, est-ce que c'est toi Abdallah ibn Umar? Puisqu'il était célèbre. Et à son époque, Abdallah ibn Umar, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il faisait partie des jeunes compagnons, et c'était le fils d'un grand compagnon, c'est-à-dire le fils de Omar ibn Khattab, comme c'est connu, hein, deuxième calife. Alors Abdallah ibn Umar, plus tard, les gens ont vraiment profité de son savoir, de sa piété. Et c'est pour ça qu'il était vraiment célèbre et il était vraiment connu à son époque. Et c'était une référence pour les musulmans de son temps. Il a vraiment marqué son temps, ce célèbre compagnon Abdallah ibn Umar. Alors le bédouin, lorsqu'il a rencontré Abdallah ibn Umar, il lui a dit « C'est toi Abdallah ibn Umar ?» Alors le compagnon lui dit « Oui, effectivement. » J'ai demandé à ton sujet et on m'a indiqué qu'il fallait que je t'interroge. Donc cet homme, ce bédouin, il avait une question et les gens l'ont orienté vers le compagnon Abdallah ibn Umar. Sa question était, il dit, je voulais que tu m'informes au sujet de la tante, est-ce qu'elle hérite? Est-ce qu'elle a une part de l'héritage? Faqala, le compagnon a dit, la adri, je ne sais pas. Alors l'homme dit, qal, anta la tadri, toi tu ne sais pas. Regardez, un compagnon, fils de compagnon, Abdallah ibn Umar. Et il lui répondit, naam, oui effectivement, je ne sais pas. Idhab ila al-ulama ibil madina, fas'alhum. Ensuite, Abdallah ibn Umar dit à ce bédouin, à cet homme, va vers les savants de Médine et demande aux savants de Médine. Alors, lorsque l'homme s'en alla, faqabbala yaday. Là, il a embrassé ses deux mains. Il a embrassé ses deux mains et ensuite, il a dit quel bienfait pour Abu Abdurrahman. Et c'est-à-dire que Abdallah ibn Umar était content du fait qu'il n'avait pas répondu de ce qu'il avait fait. Il ne s'était pas avancé dans un domaine dont il n'en avait point la connaissance, tout simplement. Fasuila amma la yadri, faqala la adri. Donc, il a dit quel bienfait de ce qu'a fait Abu Abdurrahman, le père de Abdurrahman, qui était son surnom. Il dit, il a été interrogé au sujet d'une chose qu'il ne connaissait pas, et il a dit, je ne connais pas. Donc il s'est réjoui de cette manière d'avoir agi. وقال ابن مسعود, il nous a rapporté aussi d'un autre compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, je mentionne ces paroles de compagnons, pourquoi? Parce que si les compagnons étaient et ils se comportaient comme cela, alors quel est notre cas, nous? Quel est notre cas après plus de 14 siècles? Alors que eux, ces compagnons, ont vécu la révélation. Ils ont vécu cette révélation, la descente des versets. Ils étaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les plus grands connaisseurs de la religion, de toute la nation et de la communauté. Regardez Abdallah ibn Mas'ud, ce célèbre compagnon, qui n'était pas n'importe qui, puisqu'il faisait partie des grands savants parmi les compagnons du prophète. « Makana indahu ilm falyaqul bih » Il disait que celui qui a un savoir, qu'il le dise. « Wa man lam yakun indahu ilm falyaqul Allahu a'lam » Et que celui qui n'a point la connaissance d'une chose, alors qu'il dit « Allah est le plus savant ». « Wa sahha an ibn Abbas wa ibn Mas'ud » Et il a été authentifié d'après le compagnon Abdallah ibn Abbas et Abdallah ibn Mas'ud qu'il disait man afta an-nas fi kulli ma yas'aluna fi kulli ma yas'alunahu an fa huwa majnun. Il disait celui à qui on pose des questions, ils répondent à toutes les questions qu'on leur pose, ce sont des gens qui ont perdu leur raison. Ce sont des majnun, en quelque sorte des gens fous. وقال البراء et un autre homme disait لقد رأيت, j'ai certes vu 300 parmi les compagnons, c'est-à-dire 300 personnes parmi les compagnons du prophète qui ont assisté à l'expédition de Badr. وما فيهم من أحد إلا وهو يحب, il n'y avait personne d'entre eux sans qu'ils aimaient lorsqu'une question leur était posée, eh bien, référé à un autre qu'eux. Regardez, il dit qu'il a rencontré près de soi, il a vu près de 300 compagnons du prophète, 300 personnes qui ont assisté à l'expédition de Badr. Et tous, il disait, et tous, ma fihim min ahad, il disait, il n'y avait pas un parmi eux qui, lorsqu'ils étaient interrogés au sujet d'une question, sans qu'ils aimaient la référer à un autre qu'eux. Wa qala ibn Abi Layla, et un autre homme qui s'appelait Ibn Abi Layla, il disait adraktu ashrina wa mi'at min al-ansar min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yus'alu ahaduhum an mas'ala fayuraddaha aw fayaruddaha hadha ila hadha وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. Il dit j'ai rencontré 120 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet homme qui s'appelait Ibn Abi Layla, il dit j'ai rencontré 120 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient partie des auxiliaires, ce qu'on appelle al-ansar. On avait déjà dit dans d'autres allocutions que al-ansar c'était les compagnons qui avaient accueilli les gens, les médinois qui avaient accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc c'est souvent traduit, on a dit, par les auxiliaires. Alors, cet homme-là, Ibn Abi Layla, il dit, j'ai rencontré 120 parmi eux, de ces hommes, ces compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous, il disait, lorsqu'il leur était posé, إِذَا كَانَ يُسْأَلْ أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَ, lorsqu'une personne, il leur était posé une question, alors ils aimaient référer et donner cette question à un autre qu'eux. Ils aimaient que cette question ensuite soit posée à une autre personne qu'un autre compagnon soit interrogé sur cela. Et ensuite, lorsqu'un autre était interrogé, il référait à un autre. Il orientait le questionneur vers un autre compagnon. Et cet autre compagnon, lorsqu'il était questionné, il orientait le questionneur vers un autre compagnon. Et l'autre compagnon, lorsqu'il était questionné, il orientait le questionneur vers un autre compagnon, jusqu'à ce que cet homme, Ibn Abi Layla, il disait que la question ensuite revenait au premier compagnon qui avait été interrogé. Wa qala Abu Hussein al-Asadi. Il y a un autre homme qui s'appelait Abu Hussein al-Asadi. Inna ahadakum la yufti fil mas'ala لو وردت على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر. Regardez cette très belle parole. Il disait certes l'un d'entre vous, la yufti fil mas'ala, il répond à une question, à une mas'ala, à une problématique. Si cette question elle avait été posée à Omar ibn al-Khattab Le deuxième calife, alors, avant de répondre, il aurait réuni tous les compagnons qui ont assisté à l'expédition de Badr, pour les concerter en quelque sorte. Regardez cette immense parole. Une question nous est posée à nous. Il dit, parmi ces questions-là, si ces questions-là, elles auraient été posées à Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, lui-même aurait réuni les gens de Badr pour les concerter, ensuite émettre une réponse. « Wasu'il al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr an shay, faqala la uhsinu. » Et un jour, un homme qui s'appelait al-Qasim, al-Qasim, c'était le petit-fils de Abu Bakr. C'était le fils de Muhammad. Et Muhammad était célèbre, c'était le fils de Abu Bakr. Donc al-Qasim, cet homme-là, qui était le petit-fils du compagnon Abu Bakr, un jour il a été interrogé, on lui a posé la question au sujet d'une chose. Il était connu pour son savoir. Alors il dit, « La uhsinu, j'en ai point la connaissance. »« Faqal al-sa'il, inni jaitu ilayk, la a'rifu ghayrak, la a'rifu ghayraka. » Faqal al-Qasim, très belle parole qu'il va lui dire. Alors cet homme al-Qasim, lorsqu'il a été interrogé, il a dit, « La uhsinu, j'en ai point la connaissance, je ne maîtrise pas le sujet, en quelque sorte. » Faqal al-sa'il, inni jaitu ilayk, la a'rifu ghayrak. Moi, je suis venu vers toi parce que je ne connais personne d'autre. C'est-à-dire, en quelque sorte, il ne connaissait personne d'autre pour répondre à sa question. Alors, il dit, je suis venu vers toi. Faqal al-Qasim. Qasim lui a répondu, ne regarde pas. Toul al-Ihyati. Wa kathratin nasi hawli. Wallahi ma uhsinu. Il dit, ne te réfère pas à Toul al-Ihyati. Wa kathratin nasi hawli. Ne te réfère pas à Toul al-Ihyati, à ma longue barbe, et au nombre de gens qui sont autour de moi. Il dit, Wallahi, par Allah, j'en ai point la connaissance. Yani ma uhsinu, je ne maîtrise pas le sujet. Faqal shaykhun min Quraysh, jalisun ila jambi, yabna akhi, ilzamha, yabna akhi, ilzamha. Et à côté de lui, il y avait un homme, parmi les anciens de Quraysh, du clan de Quraysh. Et cet homme-là, cet ancien de Quraysh, ce cheikh, une personne qui était âgée, il était assis à côté de lui. Donc il a entendu ce dialogue entre ces deux hommes. Et cet homme, lorsqu'il est venu interroger Al-Qasim, alors il lui a dit, « Ô fils de mon frère, Yabn Akhi, ilzamha, attache-toi à cela. » C'est-à-dire, il lui a fait l'éloge. Lorsqu'il a vu qu'il n'a pas répondu à cette question, il a dit à l'homme, ne fais pas attention au nombre de gens qui sont autour de moi. Il dit, je ne maîtrise pas cette question-là. Et donc, il ne s'est pas avancé dans un sujet dont il n'a point la maîtrise. Alors, cet ancien homme parmi les Quraysh, il a dit à Qasim, celui qui on a interrogé, il a dit, ô fils de mon frère, attache-toi à ce que tu as fait là. Attache-toi à cela. Wallahi ma ra'aytuk fi majlisin anbala mink al-yom. Il dit, par Allah, je ne t'ai jamais vu dans une assise, dans une meilleure situation que celle-ci. Plus anobli que ce jour. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu la réaction d'Al-Qasim, comment il s'est comporté de ne pas avoir répondu à une question dont il n'en avait point la maîtrise, il a dit, je ne t'ai jamais vu anobli de cette manière comme je t'ai vu aujourd'hui. Faqal Al-Qasim Wallahi. Regardez ce qu'a répondu Al-Qasim, le petit-fils de Abu Bakr. Radiallahu ta'ala an. Il dit, par Allah, si je dois couper ma langue, ou plutôt que ma langue soit coupée, est préférable pour moi que de parler d'une chose dont j'ai point la connaissance. Regardez cette parole qui est très lourde. Et il dit que ma langue soit coupée est préférable pour moi que de parler d'une chose dont j'ai point la connaissance et la science. Un homme, Al-Haytham ibn Jamil. Al-Haytham ibn Jamil, il dit, un jour j'ai vu l'imam Malik. Shahidtu Malikan. Su'ila an 48 mas'ala. Un jour j'ai vu l'imam Malik. Il a été interrogé au sujet de 48 questions. Et il n'a répondu qu'à très peu de ces questions. Et il dit, plus précisément, qu'il a dit pour 32 de ces questions, alors qu'il a été interrogé sur 48 questions, l'imam Malik était la plus grande référence, l'une des plus grandes références de son temps, l'imam Malik, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, alors qu'il fut interrogé au sujet de 48 questions, il va dire « je ne sais pas » pour 32 questions. Donc 32 questions parmi ces 48, il n'a pas répondu et il a dit « je ne sais pas ». Et il a été dit aussi « رُبَّمَا كَانَ يُسْأَلُ عَنْ 50 مَسْأَلَةً فَلَا يُجِيبُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا ». Il dit parfois, il était interrogé sur une cinquantaine de questions, فَلَا يُجِيبُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا, et parfois il ne répondait point. Il ne répondait pas. وَكَانَ يَقُولُ, il ne répondait à aucune d'entre elles. Et regardez ce qu'il disait. Et ça, c'est un grand rappel pour celui à qui, parfois, certaines questions lui sont posées. Pour nous tous, hein, chaque musulman, chaque jour, eh ben, il est confronté à ça, à des questions dont il en a la connaissance. Donc là, il ne cache pas le savoir, il ne doit pas le cacher, le dissimuler. Et des questions, parfois, on n'a pas la connaissance. Donc nos sœurs, nos frères, chacun, les êtres humains, c'est comme ça. Chacun, on est confronté à cela. Et fait partie de la noblesse, des bonnes moralités, de la bonne morale, de connaître sa propre valeur et de s'estimer à sa propre valeur. Regardez l'imam Malik, ce qui va illustrer cela. C'est très belle parole. Il disait « Man ajaba fi mas'alatin fayanbari min qabl an yujiba fiha an yaghrida nafsa 'ala al-jannati wan-nar ». Regardez ce qu'il disait. Il disait qu'une personne, lorsqu'une question lui est posée, il convient, avant qu'il réponde à cette question, qu'il expose sa personne au paradis et à l'enfer. فكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. Regardez ce qu'il disait. Alors, lorsqu'une question vous est posée, il disait, il convient, expose ta personne, imagine-toi, تخيل, تصور, expose ta personne au paradis et à l'enfer. Imagine cela, rappelle-toi cela, remémore-toi le paradis et l'enfer. وكيف يكون خلاصه في الآخرة. Et comment tu t'en sortiras le jour de l'au-delà. Après, il dit que tu t'es rappelé cela, ثم يجيب فيها. Ensuite, tu réponds. Ensuite, tu réponds. Alors, si tu sais qu'à travers ta réponse, il y a un intérêt et que tu te rapproches d'Allah, alors avance-toi. Sinon, فَلَا تَتَقَدَّمْ وَلَا تَتَصَدَّرْ. Ne t'avance pas. وَسُوِلَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالْ. Et un jour, regardez cette sagesse, et on va terminer sur ça pour pas que ça soit trop long. Un jour, l'imam Malik, pareil, ce grand imam hein, qui a marqué vraiment, vraiment son temps, qui est l'auteur du grand livre Al-Muwatta, ce recueil de hadith aussi, qui a été rédigé avant même, hein, l'imam Malik a fait Al-Muwatta, avant même l'authentique de l'imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et donc, l'imam Malik a vraiment marqué son temps et son époque, et c'est pour ça qu'il a même été appelé l'imam de la demeure de l'immigration. Pourquoi ? Parce que la demeure de l'immigration, Al-Hijra Dar, Al-Hijra, c'était Médine, c'est la ville de Médine, et lui, c'était un enseignant dans la mosquée du prophète, ensemble, il faisait partie des grands imams de Médine. Et un jour, regardez, de même, il a été interrogé sur une question. وَسُوِلَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا مَسْأَلَةٌ خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ فَغَضِبَ الْإِمَامُ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَيْسَ فِي الْعِلْمِ خَفِيفٌ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Et là, l'imam Malik a répondu. Un jour, alors qu'on lui posait une question, il a dit « لَا أَدْرِي » « Je ne sais pas ». فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا مَسَلَةٌ خَفِيفٌ. Mais pourtant, il y a imam, ô toi le savant, pourtant c'est une question simple et facile. Alors l'imam Malik s'est mis en colère et il a dit « Dans la science, il n'y a pas de question simple et facile ». Dans la religion d'Allah, il n'y a pas de questions qui sont simples et faciles. Il dit, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit au prophète, certes, nous allons te révéler une parole lourde. Donc il n'y a pas de questions qui sont légères. Et regardez, c'est pour ça que les savants disent, fal ilmu, et l'imam dit, fal ilmu kulluhu thaqilun wa khassatan ma yus'alu anhu yawm al-qiyamah. Ma yus'alu anhu Yom al-Qiyamah. C'est pour ça qu'il disait, la science, toute la science, c'est quelque chose de lourd. Parce que cette révélation, c'est une révélation qui est lourde. Les paroles d'Allah Jalla wa'ala sont lourdes. Et les paroles du prophète, sallam, sont lourdes. C'est pour ça que fait l'ilmu kulluhu thaqil wa khassatan ma yus'alu anhu yom al-Qiyamah. Et il disait surtout ces questions dont on sera interrogé et dont on devra rendre des comptes le jour de la résurrection. وقال مالك, الإمام مالك lui-même disait, il disait ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. Il dit je n'ai jamais commencé à faire des fatwas, à émettre, à dispenser des fatwas avant que n'aient témoigné de mon habilité et de mes compétences 70 parmi les gens de science et les gens du savoir qui ont jugé l'imam Malik compétent et ayant l'habilité de pouvoir répondre et faire et émettre des fatwas. Inni ahlun lidhalik. وقال لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك. Et c'est pour cela qu'il dit لا ينبغي لرجل, il ne convient pas à un homme de voir sa personne comme étant compétente pour émettre des fatwas et répondre aux questions des gens, hatta yas'ala man kana a'lama min. Hatta yas'ala man kana a'lama min, jusqu'à ce qu'il interroge une personne qui est plus savante que lui. C'est-à-dire, il va interroger une personne qui est plus savante que lui. Wa ma aftaytu hatta sa'altu Rabi'a wa Yahya ibn Sa'id. Il dit moi-même, je n'ai jamais commencé à faire la fatwa jusqu'à ce que j'ai demandé, j'ai interrogé Rabi'a, qui faisait partie de ses enseignants, des grands mashaykhs et des grands maîtres de son époque. Et il dit, j'ai interrogé Yahya ibn Sa'id, qui faisait partie des grands maîtres aussi de son temps, parmi ses grands enseignants et les grandes élites de son temps. Et les deux m'ont ordonné, m'ont autorisé de d'émettre al-fatwa. Et il dit, si ces deux-là m'auraient interdit de répondre aux questions et d'émettre des fatwa, alors je me serais dispensé et abstenu de cela. Il se sera interdit de cela. Voilà, c'est, je voulais qu'on se fasse un rappel sur cela. Et c'est pour cela qu'il faut prendre cela en considération. Et on demande à Allah Jalla wa Ala de nous accorder le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et on se fait un rappel aussi, n'oubliez pas vos frères et vos sœurs, n'oubliez pas tous ces gens, tous ces défunts parmi... parmi les personnes âgées, parmi les personnes les plus jeunes, parmi nos sœurs, nos frères, parmi des tantes, des personnes âgées. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de cette épidémie, il y a de nombreux décès. Ne les oublions pas dans nos invocations, dans nos doigts. Surtout que, regardez, beaucoup d'entre eux, eh ben, ils n'ont pas eu de prière. Vous savez, il y a des complications pour le lavage mortuaire, comme vous savez, des complications aussi pour la prière, pour le rassemblement lorsqu'il y a l'enterrement. Vous savez qu'il y a même des complications que certains pays refusent, que ces pays, plutôt ces morts, ces corps-là, eh ben, soient emmenés vers ces pays pour être enterrés dans leur pays d'origine. Alors, vous savez, il y a de nombreuses complications. Donc, c'est pour ça que beaucoup de défunts n'ont pas eu de prière, ils n'ont pas été lavés. Il y a un nombre restreint qui ont droit d'insister à la janaza, à l'enterrement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui vraiment attire l'attention de tous les croyants. C'est pour ça qu'il faut faire des invocations pour eux. Il faut prier pour eux et regarder vraiment, c'est un rappel. On voit vraiment que la vie est courte. C'est vraiment un court passage qu'on a dans cette vie-là. Il faut vraiment retenir cela. Il faut vraiment que ça soit un rappel pour nous. Il faut vraiment que ce qu'on voit là, c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit. Même en période de guerre, par exemple, le voisin peut parler avec son voisin. Les gens peuvent communiquer les uns les autres. Regardez, là c'est vraiment, chacun est confiné chez soi et c'est vraiment un grand rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut le craindre, il faut le craindre et il ne faut pas oublier nos frères, nos sœurs dans nos prières, ne pas s'oublier, faire beaucoup d'invocations, faire beaucoup d'istighfar. C'est avec la demande de pardon que parfois qu'Allah Jalla wa Ala dissipe les épreuves et nous soulage de ces épreuves. Donc n'oublions pas ces gens-là dans nos invocations. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.